Le séminaire sur l'œuvre du général Kim Jong-il, Notre socialisme axé sur les masses populaires est invincible, s'est déroulé le 13 en Suisse. Y ont pris part les personnalités du comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017, du comité suisse-coréen, du cercle d'études des éducités de Suisse et d'autres habitants. Les orateurs ont souligné que le socialisme coréen fondé et développé par le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il est le meilleur régime du monde car il assure la vie indépendante et créatrice en masse populaire.